Deuxième chapitre, le voyage de Gilf. Gilf régnait sur le pays appelé maintenant la Suède. On raconte que, voulant donner à une femme voyageuse une récompense proportionnée aux jouissances qu'elle lui avait procurées, il lui permit de prendre dans son royaume tout le terrain que quatre bœufs pourraient labourer en 24 heures. Cette femme, nommée Gefion, était de la race des Ases. Elle prit donc dans Jotunheim quatre bœufs qui étaient ses fils avec un géant et les attela à la charrue. Cette charrue entra si profondément dans le sol qu'il se détacha et les bœufs l'entraînèrent dans la mer en se dirigeant vers l'occident. Ils s'arrêtèrent dans un détroit où Gefion fixa cette pièce de terre qu'elle nomma Zeeland. Un lac remplaça le terrain enlevé, c'est le Meder, dont les baies correspondent exactement avec les promontoires de la Zélande. Voici ce que dit à cette occasion le skald Brage l'Ancien. Gefion, bien joyeuse, enleva au riche Gilf le terrain qui devait agrandir le Danemark. Les bœufs avaient tant de hâte qu'un nuage de poussière marquait leurs traces. Ils avaient entre eux quatre têtes et huit yeux. Jotunheim. Plusieurs contrées ont été désignées sous ce nom. Mais le Jotunheim, ou pays des géants dont il s'agit ici, était situé dans une région froide, au nord et à l'est d'Asgard. Le climat, la manière de vivre des habitants de Jotunheim, et surtout leur guerre continuelle avec les Ases, ont donné naissance à une multitude de récits surprenants émanés des partisans d'Odin. Suivant eux, les habitants de Jotunheim étaient des êtres difformes, des monstres cruels, des démons hideux, d'une force et d'une taille extraordinaires, des magiciens, des sorciers de la plus mauvaise nature, enfin les ennemis des dieux. Ils menaçaient l'armée entière des Ases des plus grands malheurs, et les dieux savaient que ces géants causeraient leur perte et détruiraient le monde. Le roi Gilf, homme judicieux et sage, était fort surpris de voir comme toute chose réussissait aux Ases. Fallait-il l'attribuer à leur puissance ou bien aux dieux qu'ils servaient? Afin de résoudre cette question, Gilf se mit en route pour Asgard. Il partit secrètement et sous la forme d'un vieillard, dans l'espoir qu'il ne serait pas reconnu. Mais les Ases avaient le don de deviner l'avenir, et ils étaient plus savants que Gilf. Instruits de son voyage, ils firent les préparatifs nécessaires pour la vision suivante. Lorsque Gilf entra dans la ville, il vit un palais tellement élevé qu'on en distinguait à peine le faîte. Le toit était couvert de boucliers dorés. Le skald Thiodolf dit qu'il en est de même pour Valhall. Des hommes pensifs, ils avaient été tués à coups de pierre, portaient sur leur dos les toits des salles d'Odin. Gilf vit dans le vestibule de ce palais un homme qui jouait avec de petits glaives et si adroitement que sept de ses glaives étaient constamment en l'air. Cet homme s'informa du nom du voyageur, et Gilf répondit qu'il s'appelait Gangler, qu'il venait de loin et demandait l'hospitalité pour la nuit. De plus, il désirait savoir à qui appartenait ce palais. « Au roi, répliqua l'homme au petit glaive, je vais te conduire près de lui, afin que tu puisses lui demander toi-même son nom. » Gangler suivit donc cet homme, et aussitôt les portes se fermèrent derrière lui. Il vit dans ce palais beaucoup d'hommes. Ces derniers étaient différemment occupés. Les uns se livraient à divers exercices, les autres buvaient ou combattaient. Gangler dirigea ses regards de tous côtés, mais la plupart des choses qu'il voyait lui paraissaient incroyables, et il s'écria « N'avance pas sans examiner les moindres coins, car tu ne sais dans lequel se tiennent tes ennemis. » Gangler vit trois trônes placés à différents degrés. Un homme était assis sur chacun de ces trônes. Il s'informa du nom de ces princes et son introducteur lui répondit que l'homme assis sur le trône inférieur était le roi et se nommait Har, le sublime. Le second s'appelait Jafnar, l'égal du sublime. Et celui qui occupait le trône supérieur, Tridi, le troisième. Har questionna Gangler sur le motif de son voyage et ajouta que les vivres lui seraient fournis avec autant d'abondance qu'à tous les habitants de son palais. Gangler répondit qu'il désirait savoir avant tout s'il y avait dans ce lieu un homme très savant. Har répliqua que sous ce rapport, il aurait sujet d'être content, à moins qu'il ne fût plus habile qu'eux. « Et maintenant, tiens-toi debout pour m'interroger. Celui qui répond doit être assis. » Gangler commença de la sorte. « Quel est le plus grand et le plus âgé des dieux ?» Har répondit « Dans notre langue, on l'appelle Alfader, c'est-à-dire le père de tout. Il avait 12 noms dans l'antique Asgard. Alfader, Herjan, Nikar ou Hnikar, Nikuz ou Hnikud, Fjölner, Oske, Ome, Biflide ou Bliflinde, Svidor, Svidrer, Vidar, Jalk ou Jalk. Où est Dieu ? Demanda Gangler. Quel est son pouvoir ? Qu'a-t-il fait de grand ? Har répondit. Il gouverne son empire et vivra éternellement. Il est le maître de toutes choses, tant grandes que petites. Jafnar ajouta. Il a créé le ciel, la terre, l'air et tout ce qu'ils contiennent. Tridi, prenant la parole, dit « Ce qu'il a fait de plus important, c'est l'homme. L'esprit qu'il lui a donné ne meurt pas, même lorsque son corps est réduit en terreau ou en cendres par le feu. Les justes vivront et habiteront avec lui dans Gimle ou Vingolf. Les méchants, au contraire, seront livrés à Hel, puis envoyés à Niflheim, le neuvième monde inférieur. » Gangler demanda « Avant de créer le ciel et la terre, que faisait Dieu ?» Har répondit « Il était alors chez les Rimthursars, l'un des noms donnés aux géants. » Gangler demanda « Quelle est l'origine de l'univers ? Qu'y avait-il avant sa création ?» Har répondit « Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans la prédiction de Vola. Lorsque rien n'existait, ni le sable, ni la mer, ni les vagues fraîches, le matin appartenait au temps. Il n'y avait alors ni la terre, ni le ciel, mais seulement l'abîme de Ginnung et point d'herbe. » Jafnar dit « Niflheim fut créé bien longtemps avant la terre. Au centre se trouve un puits appelé Vergelmer. Les fleuves suivants en sortent le Svöl, le Gundra, le Fjörm, le Fimbul, le Tul, la Sled et le Hred, la Silg et l'Ilg, le Fig, le Leipter et le Göll, qui est le plus rapproché des clôtures de l'habitation de Hel. » Tridi ajouta, avant la création de Niflheim, il y avait déjà au midi un monde appelé Muspelheim. Il est resplendissant de clarté et si chaud que les étrangers ne peuvent y demeurer. Surtout habite la limite de Muspelheim. La garde lui en est confiée. Il tient un long glaive à la main. À la fin du monde, il marchera en avant, combattra les dieux, les vaincra tous et détruira la terre par le feu. Voici ce que dit Vola. Surtur vient du sud. Il porte une torche scintillante. Son glaive répand de l'éclat même sur le soleil des dieux. Les montagnes de granit craquent, les géants chancellent, les hommes se rendent auprès de Hel et le ciel s'écroule. » Gangler demanda encore « Que se passa-t-il avant la création de l'espèce humaine ?» Har répondit « Lorsque les fleuves, désignés sous le nom d'Elivorgor, quelques auteurs présument qu'il est question ici de la Dvina, de Petsora ou Obi, se furent tellement éloignés de leur source que leur courant empoisonné en fut desséché comme des scories, ils se congelèrent. Cette glace s'arrêta, se durcit, et les tourbillons de neige produits par le venin se répandant sur la glace devinrent du givre. Les couches de givre s'accumulèrent les unes sur les autres dans l'abîme de Ginnung. Jafnhar ajouta, « Le bord septentrional de cet abîme se couvrit d'un immense amas de glace pesante et de givre. » L'ouragan et la tempête y régnaient, mais le bord méridional de l'abîme de Ginnung fut dégelé par les étincelles qui s'échappaient de Muspelheim. Tridi ajouta, « Si l'air glacé exhalé par Niflheim rendait ses environs affreux, ceux de Muspelheim, au contraire, étaient lumineux et chauds. L'abîme de Ginnung était aussi léger que l'air le plus pur. La chaleur avançant toujours davantage, atteignit les glaces, les fondit et forma des gouttes d'eau. La puissance de celui qui envoyait la chaleur leur donna la vie. Il en résulta une forme humaine qui fut nommée Ymer. Les Rimthursars l'appellent Örgelmer. C'est l'auteur de leur race, comme il est dit dans le chant de Völuspá. Toutes les devineresses descendent de Vidolf, tous les devins de Vilmeid, tous les magiciens de Svartofte, tous les géants d'Ymer. Et dans la strophe suivante, le géant Vaftrudner dit « Comment Örgelmur, le savant géant, le premier des fils de Jötnar, a-t-il fait quand des gouttes de poison venues d'Elivogor ont créé en s'accumulant un Jöt? Nos races descendent de lui, c'est pourquoi nous sommes si rudes. » Gangler demanda encore « Comment se fait-il que toutes les races descendent d'Örgelmer? D'autres hommes furent-ils créés, ou bien crois-tu que celui dont tu parles était un dieu? » Nullement, répondit Har, car il était méchant. Tous ses descendants, que nous nommons Rimthursars, le furent également. Voici ce qu'on raconte à ce sujet. Örgelmer, s'étant endormi, tomba en sueur. Un homme et une femme poussèrent alors sous son bras gauche, et ses deux pieds engendrèrent un fils. C'est l'auteur des différentes races des Rimthursars. Nous appelons Ymer le plus ancien de ces géants. Gangler demanda, « Où se tenait Ymer, et de quoi vivait-il ? » Har répondit, « La glace étant fondue et l'eau écoulée, une vache appelée Odumla s'approcha. Quatre rivières de lait coulaient de ses mamelles. Ce fut la nourriture d'Ymer. » Gangler demanda, « De quoi vivait la vache ?» Har répondit, « Elle léchait les pierres salines couvertes de givre. Le premier jour qu'Odumla lécha les pierres, il en sortit des cheveux. La tête parut le second jour, et le troisième jour un homme tout entier. Son nom fut Bour. Il était beau, grand et fort. Il eut un fils appelé Beur. Celui-ci se maria avec une femme nommée Betzla, qui était fille du géant Beltorn. Ils eurent trois fils, Odin, Ville et Vé. Nous croyons qu'Odin et ses frères gouvernent le ciel et la terre. Nous donnons le nom d'Odin au maître de l'univers, parce que ce nom est celui du plus grand homme que nous connaissions. Il faut que les hommes l'appellent ainsi. » Gangler demanda, « Comment ces trois frères s'accommodèrent-ils ensemble? Lequel d'entre eux fut le plus puissant ?» Har répondit, « Les fils de Beur, ayant tué le géant Ymer, le sang sortit de sa blessure avec une telle abondance que les vainqueurs y noyèrent toute la race des Rimthursars, à l'exception d'un seul. Il s'échappa avec les gens de sa maison. Les géants le nomment Bergelmer. Il monta dans un bateau avec sa femme, ce qui le sauva. Les nouvelles races des Rimthursars descendent d'eux, comme on le voit dans le passage suivant. Bergelmer naquit plusieurs milliers d'années avant la création de la terre. Mon plus ancien souvenir est la fuite en bateau de ce savant géant. » Gangler demanda, « Puisque, suivant toi, les fils de Beur sont des dieux, dis-moi ce qu'ils firent. » Har répondit, « C'est long à raconter. Ils portèrent d'abord le corps d'Ymer au milieu de l'abîme de Ginnung, et en firent la terre. Son sang devint la mer et les lacs. La terre fut faite avec sa chair. Les montagnes furent faites avec ses os, les pierres avec ses dents et ceux de ses os qui avaient été brisés. Jafnhar ajouta, « L'océan a été fait avec le sang de ses blessures. La plupart des hommes pensent qu'on ne peut franchir cette limite. » Tridi ajouta, « Les fils de Beur, ayant pris le crâne d'Ymer, en firent le ciel et l'élevèrent au-dessus de la terre sur quatre angles saillants supportés chacun par un nain. Voici leurs noms, Eustre, Vestre, Nordre et Zeudre, Orient, Occident, Nord et Sud. Ils prirent ensuite les étincelles volantes qui s'échappaient de Muspelheim et les placèrent dans le ciel immense, dessus et dessous, pour éclairer le ciel et la terre. Ils donnèrent aussi une place à tous les feux lancés par les éclairs. Les uns furent fixés au ciel, les autres restèrent mobiles sous la voûte céleste. Et les fils de Beur tracèrent la route que les astres devaient parcourir. Suivant les skalds antiques, ces astres servent à compter les jours et les années. On trouve dans Vola ce qui suit. Le soleil ne savait où se placer. La lune ignorait le pouvoir dont elle était douée, et les étoiles étaient incertaines sur la position qu'elle devait occuper. Gangler dit, « Ce que vous m'apprenez est remarquable. Voilà bien de la besogne achevée et admirablement exécutée. Quelle forme a la terre ?» Har répondit, « Elle est ronde, et le profond océan l'environne. Les fils de Beur permirent aux géants d'habiter le rivage, mais ils élevèrent un rempart autour de la terre pour la défendre contre les entreprises de ces géants. Ils se servirent pour cela des sourcils d'Ymer et appelèrent ce rempart Midgard. Ils prirent aussi la cervelle d'Ymer, la jetèrent en l'air et en firent des nuages. Il est dit, la terre fut créée avec la chair d'Ymer, avec son sang on fit la mer, avec ses eaux les montagnes, avec ses cheveux les arbres, et le ciel avec son crâne. Les dieux propices construisirent Midgard avec ses sourcils pour protéger les enfants des hommes. Les pesants nuages furent créés avec sa cervelle. » Gangler dit, « Les fils de Beur ont fait de grandes choses en créant le ciel et la terre, en assignant une place au corps céleste. Mais d'où viennent les hommes qui habitent la terre ?» Har répondit, les fils de Beur allèrent sur le rivage de la mer. Ils y trouvèrent deux arbres. Ils les prirent et en firent deux êtres humains. Odin leur donna l'âme et la vie, Vile la raison, et Vé le visage, la parole, l'ouïe et la vue. Ils leur donnèrent aussi des vêtements et des noms. L'homme fut appelé Ask et la femme Embla. C'est d'eux que descendent les enfants des hommes. Il leur fut permis de bâtir et d'habiter dans l'enceinte de Midgard. Les fils d'Odin élevèrent aussi une ville pour leur usage particulier, au centre de la terre, et l'appelèrent Asgard. Nous lui donnons le nom de Troie. C'est là que demeuraient les dieux. Beaucoup d'événements et de choses se passèrent sur la terre et dans le ciel. Il y a dans Asgard une place appelée Leitskialf. Lorsque Odin s'y assied, son regard embrasse tout l'univers, toutes les actions des hommes, et il comprend tout ce qu'il voit. Sa femme se nomme Frigg, fille de Fjörgvin. Les Ases sont leurs enfants. Ils ont peuplé l'ancienne Asgard et les pays qui en dépendaient. Cette race est celle des dieux, c'est pourquoi on donne à Odin le nom d'Alfadar, ou père de tout. Il est en effet le père des dieux, des hommes et de tous les objets créés par sa puissance. La terre était sa fille et sa femme. Il eut d'elle son premier fils, Asa Thor, qui était doué d'une vigueur et d'une force invincibles. Nörve ou Narve est le nom d'un géant qui habitait Jötunheim. Il avait une fille appelée Nat. Conformément à son origine, elle était noire et sombre. Elle se maria d'abord avec un homme appelé Naglfar et eut un fils nommé Ud. Puis elle épousa Anar, dont elle eut une fille appelée Yord. À la fin, elle posséda Deling de la race des As. Leur fils fut Dag. Il était lumineux et beau comme son père. Odin prit Nat et Dag, son fils, leur donna 2 chevaux, 2 haquets, et les plaça au ciel pour faire le tour de la terre en 24 heures. Nat s'avança la première avec Rimfax, son cheval. Il répand tous les matins l'écume de son mors sur la terre. C'est la rosée. Le cheval de Dag se nomme Skenfax. L'air et la terre sont éclairés par sa crinière. Nat, la nuit. Dag, le jour. Yord, la terre. Gangler demanda. Comment Odin dirige-t-il la course du soleil? Har répondit. Un homme appelé Mundelfure avait 2 enfants tellement beaux qu'il nomma son fils Lune et sa fille Soleil. Il maria cette dernière à un homme appelé Glenn. Les dieux, irrités de tant d'orgueil, enlevèrent les enfants de Mundelfure et les placèrent au ciel et chargèrent la jeune femme de conduire les chevaux du char du soleil. Ce dernier avait été fait avec les étincelles qui s'élevaient de Muspelheim. Il devait éclairer le ciel. Voici le nom des chevaux du soleil, Arvaker et Alsvider. Les dieux mirent sous leurs épaules 2 soufflets destinés à les rafraîchir. Quelques skalds donnent le nom d'Isarnkol à ces soufflets. Lune fut chargée de conduire l'astre dont il avait pris le nom et enleva de la terre, au moment où il s'éloignait de la fontaine de Birger, 2 enfants appelés Bil et Yuk. Ils portent sur leurs épaules un seau nommé Zeg et une selle appelée Zimul. Leur père est Vitfin, et ils suivent toujours la lune, comme on peut le voir de la terre. Gangler dit, « Le soleil court avec vitesse comme s'il avait peur. Il ne pourrait mettre plus de hâte s'il craignait pour son existence. » Har répondit, « Cette célérité ne doit surprendre personne, car l'ennemi du soleil n'est pas loin. Le seul moyen de lui échapper, c'est de fuir promptement. » Gangler demanda, « Quelles sont les causes de cette inquiétude du soleil ?» Har répondit, « 2 loups. Skull, l'un d'eux, suit le soleil, qui appréhende très fort d'être atteint. L'autre loup le précède. Il s'appelle Hat, fils de Rodvitur. Son dessein est de prendre la lune. Il y réussira à la fin. » Gangler demanda, « Quelle est l'origine de ces loups ?» Har répondit, une géante habite à l'orient de Midgard, dans la forêt de Yarnvind. Les géantes qui ont fixé leur demeure dans cette forêt sont désignées sous le nom de Yarnvidior. La vieille géante donna la vie à beaucoup de fils, tous géants avec forme de loup. Ceux dont je viens de parler descendent de cette race, dont le plus puissant se nomme, dit-on, Monogarn. Il se nourrit de la vie des mourants. Il avalera la lune et aspergera en même temps le ciel et l'air de sang. Le soleil en perdra son éclat et les vents mugiront de tous côtés. Voici ce qu'on trouve dans la prédiction de Vola. La vieille habite à l'orient dans la forêt de fer. Elle y donne la vie à des enfants qui sont loups. L'un d'eux avalera la lune en empruntant une forme magique. Il se nourrit de la vie des mourants et asperge la terre de sang rouge. L'éclat du soleil s'obscurcira, et l'année suivante, tous les vents gémiront. Me comprenez-vous ? Gangler demanda, « Quel chemin faut-il prendre pour aller de la terre au ciel ?» Har répondit en souriant, « Tu ne m'adresses pas cette fois une question raisonnable. N'as-tu pas ouï dire que les dieux ont fait un pont pour unir la terre au ciel ? Ce pont se nomme Bifrost. Tu l'as vu ? Et lui donne peut-être le nom d'arc-en-ciel. Il est de 3 couleurs. On a employé pour le construire plus d'art et de force que pour tout le reste, ce qui ne l'empêchera pas de crouler quand les fils de Muspelheim y passeront à cheval. Ils seront alors obligés de traverser de grands fleuves à la nage avec leurs chevaux. C'est de la sorte qu'ils arriveront au but. » Gangler dit, il me semble que les dieux n'ont pas construit ce pont avec loyauté, puisqu'il peut se rompre. Ils avaient le pouvoir de le faire selon leur volonté. Har répondit : Les dieux ne méritent point de blâme à ce sujet, mais rien ne pourra subsister dans l'univers quand les fils de Muspelheim s'armeront en guerre. Gangler demanda : Que fit Odin lorsque Asgard fut bâti ? Har répondit : Il commença par établir des magistrats chargés de diriger les destinées des hommes et de prendre soin de la ville. Leur installation eut lieu dans un endroit appelé Idavalen, qui est au centre d'Asgard. La première chose qu'ils firent, ce fut d'élever un temple où il y avait des sièges pour 12 d'entre eux et un trône pour Odin. C'est le plus grand et le plus magnifique édifice qui ait été construit sur la terre. L'intérieur et l'extérieur sont couverts de plaques d'or. Les hommes lui ont donné le nom de Gladsheim. Les magistrats firent bâtir un autre temple où il y a des autels pour les déesses. Il est fort beau. On l'appelle Vingolf. Ils firent ensuite un âtre et y fabriquèrent un marteau, des tenailles et une enclume dont ils se servirent pour faire des outils nécessaires. Puis ils travaillèrent la pierre, le bois, les métaux et l'or en si grande abondance que tous leurs ustensiles de ménage étaient de ce métal. C'est pourquoi cette époque est appelée l'âge d'or. Mais l'arrivée des femmes de Jotunheim le fit disparaître. Les dieux, ayant pris place sur leur trône, entrèrent en délibération et se rappelèrent que les nains s'agitaient dans le terreau des entrailles de la terre, comme les vers dans la chair. Ils avaient été les premiers à subir une transformation et à prendre vie dans la chair d'Imar. Ils étaient autrefois des vers. Les dieux décidèrent de leur donner la raison et la forme humaine, mais les nains n'en résident pas moins dans la terre et les pierres. Mjödzogner et Durin sont des nains. Voici ce que dit Vola. Les dieux augustes s'assirent sur leur trône et délibérèrent sur la création des nains avec les os et le sang bouillonnant du géant. Il en résulta beaucoup de formes humaines. Ce sont les nains qui habitent dans la terre, comme Durin le raconte. Voici les noms que Veluspa leur donne. Ni, Nid, Nordre et Zeudre, Eustre et Vestre, Altjof, Dvalin, Nar, Nein, Nipping, Dein, Bifur, Bafur, Bömber, Nore, Ore, Onar, Oin, Mjödvitner, Vik et Gandalf, Vindalf, Thorin, File et Kille, Fundin, Vale, Tror, Troin, Tek, Lider, Witter, Nir, Nirat, Rek, Ratsveder. Ces nains habitent dans la terre et les suivants dans les pierres. Dröporer, Delgtvare, Hör, Hugstare, Ledolf, Gloin, Dore, Ore, Duf, Andvare, Hepte, File, Har, Sjar. Mais ces nains allèrent de Svaringshög à Jernvallen dans Örvang. Les Lovrs proviennent d'eux. Voici les noms de ces derniers. Skirvar, Virvar, Skafid, Ai, Alf, Inge, Aikinskjalde, Fall, Froste, Fider, Genar. Gangler demanda : Quelle est la première et la plus sainte place suivant les dieux ? Har répondit : C'est auprès du frêne Yggdrasil. Les dieux s'y assemblent tous les jours. Gangler demanda : Que dit-on au sujet de ce frêne ? Jafnar répliqua : Yggdrasil est le plus grand et le plus beau de tous les arbres. Ses rameaux s'étendent sur tout l'univers et s'élèvent au-dessus du ciel. Il est soutenu par trois racines qui se prolongent fort loin. L'une d'elles s'étend vers les As, la seconde vers les Rimthursars, jusqu'à l'endroit où était autrefois l'abîme de Ginnung. La troisième atteint Niflheim, où Nidhögg la ronge par le bout près du puits Vergelmer. Mais en dessous de la racine qui touche aux Rimthursars se trouve le puits de Mimer. La raison et la sagesse y sont cachées. Mimer est plein de science parce qu'il boit de l'eau de ce puits dans la coupe Gjallar. Odin vint un jour en ce lieu et demanda une gorgée de cette eau. Il ne put l'obtenir qu'après avoir mis son œil en gage. « Voilà, dit à ce sujet, je sais, Odin, où tu as caché ton œil. C'est dans le puits limpide de Mimer. Mimer boit tous les matins l'hydromel dans le gage d'Odin. Me comprenez-vous ? » La troisième racine du frêne Yggdrasil atteint le ciel. Elle abrite une fontaine d'une sainteté particulière. C'est la fontaine de Urd. Les dieux se réunissent près d'elle pour tenir leur cours de justice. Ils s'y rendent tous les jours à cheval en passant par Bifröst, qu'on appelle aussi le pont des Ases. Voici les noms de leurs chevaux. Sleipner, c'est le meilleur de tous. Il a 8 pieds et appartient à Odin. Glad est le second. Giller, le troisième. Glair, le quatrième. Skidbrimer, le cinquième. Zilfrintop, le sixième. Zinner, le septième. Gils, le huitième. Falhofner, le neuvième. Gultop, le dixième. Letfot, le onzième. Le cheval de Balder a été brûlé avec lui. Thor se rend à l'assemblée à pied et traverse à la nage les fleuves suivants. Thor passe tous les jours à la nage le Krumt, l'Ormt et les deux Kerlöger pour se rendre à l'assemblée près du frêne Yggdrasil, car le pont des Ases est en feu et les saintes eaux se gonflent. Gangler demanda, « Est-ce véritablement du feu qui brûle sur ce pont ?» Har répondit, « La couleur rouge de l'arc-en-ciel est du feu. Les Rimthursars et les géants des montagnes escaladeraient le ciel s'ils pouvaient passer par le pont des Ases quand ils le veulent. On trouve dans le ciel beaucoup d'endroits agréables que les dieux protègent. Il y a sous le frêne Yggdrasil et près de la fontaine d'Urd un très bel édifice d'où l'on voit sortir 3 vierges nommées Urd, Verdand et Skuld. Ces vierges disposent de la vie de tous les hommes, ce sont les Nornes. Il y a plusieurs sortes de Nornes. Celles qui assistent à la naissance des hommes pour leur donner la vie sont de race divine. Il y en a de la race des Alfes et de la race des Nains, comme il est dit dans ce passage. Toutes les Nornes n'ont pas, je crois, la même origine. Les unes sont de la famille des Ases, les autres de la race des Alfes. Quelques-unes sont filles de Dvalin. Gangler dit, si la destinée des hommes dépend des Nornes, il faut convenir qu'elles y apportent une grande variété. Les uns vivent dans l'abondance et les richesses, les autres sont heureux et célèbres. Il y en a qui vivent longtemps, d'autres peu de jours. Har répondit, les Nornes d'origine céleste donnent le bonheur. Quand les hommes tombent dans l'infortune, c'est aux méchantes Nornes qu'il faut l'attribuer. Gangler demanda, « Connaît-on d'autres particularités remarquables sur le frêne Yggdrasil ?» Har répondit, « Oui, et en grand nombre. Un aigle vit dans son feuillage. Il est fort instruit. Il a entre les yeux un épervier appelé Vederfölner. Un écureuil nommé Ratatosh monte et descend le long d'Yggdrasil. Il cherche à exciter la discorde entre l'aigle et Nidhogg. 4 cerfs tournent autour d'Yggdrasil et mangent les extrémités de ses branches. Ils se nomment Deim, Dvalen, Duner et Durator. Mais il y a tant de serpents dans Fergalmer, près de Nidhogg, qu'il est impossible de les compter. Il est dit ici, le frêne Yggdrasil endure plus de souffrances qu'on ne peut le supposer. Le cerf mord ses branches et Nidhogg ronge ses racines. Et dans un autre endroit, il est dit, il y a plus de serpents sous le frêne Yggdrasil qu'un fou ignorant ne pourrait l'imaginer. Gunn et Nunn sont les fils de Grufvitner. Grabak et Graskin, Ofner et Svafner rongeront éternellement, je crois, les rameaux d'Yggdrasil. Les Nornes qui demeurent près de la fontaine d'Urd y puisent, dit-on, de l'eau tous les matins et ramassent de la terre glaise sur ses bords. Elles arrosent avec ce mélange le frêne Yggdrasil pour empêcher ses rameaux de se flétrir. L'eau de cette fontaine a tant de vertu qu'elle blanchit à l'instant tout ce qu'on y jette. Il est dit, « Je connais un frêne, arbre élevé et saint. Yggdrasil est son nom. On l'arrose avec de la terre glaise blanche. C'est ce qui produit la rosée dans les vallons. Son feuillage, toujours vert, ombrage la fontaine d'Ourdes. La rosée qui tombe de ce frêne sur la terre est appelée pluie de miel. C'est la nourriture des abeilles. Deux oiseaux sont nourris dans la fontaine d'Ourdes. Ils se nomment cygnes. Toute l'espèce de ce nom provient d'eux. Gangler dit « Tu m'as donné de précieux renseignements sur le ciel, mais quels sont, après la fontaine d'Ourdes, les autres endroits célèbres qu'on y trouve ?» Har répondit « Ils sont nombreux. Je citerai d'abord Alfhem, c'est la demeure des alfes lumineux. Les alfes noirs habitent dans la terre. S'ils diffèrent des premiers par l'extérieur, ils en diffèrent bien davantage encore par leurs œuvres. Les alfes lumineux sont plus beaux que le soleil, les alfes ténébreux plus noirs que la poix. Un autre endroit du ciel se nomme Breidablik, c'est le plus magnifique de tous. Glitner est une habitation céleste dont les murailles et les colonnes sont d'or, le toit est couvert en argent. Il y a aussi, à l'extrémité du ciel, une montagne appelée Himmingbjörg. Elle est à l'extrémité du ciel, à l'endroit où le pont de Bifröst se réunit au ciel. On y voit une grande habitation nommée Valaskjalf. Elle appartient à Odin. Les dieux l'ont bâtie et couverte en argent épuré. Dans cet édifice, on trouve le trône Lidskjalf, d'où Odin embrasse d'un regard tout l'univers. À l'extrémité méridionale du monde est un palais magnifique appelé Gimle et plus resplendissant que le soleil. Il survivra à la destruction du ciel et de la terre. Les justes l'habiteront pendant toute l'éternité. Vola dit « Je sais une salle plus belle que le soleil, plus précieuse que l'or. On la trouve dans Gimle. Les hommes vertueux l'habiteront. Ils y seront éternellement heureux. » Alors Gangler demanda « Comment ce palais sera-t-il préservé quand les flammes de Surtur dévoreront le ciel et la terre ?» Har répondit « On raconte qu'au sud et au-dessus du ciel qui couvre nos têtes, il en est un autre appelé Andlang. Un troisième ciel se trouve au-dessus d'Andlang, on le nomme Vitplain. Nous croyons que Gimle est situé dans ce dernier et que les alfes lumineux habitent seuls ses environs. » Gangler demanda « D'où vient le vent ? Sa force est telle qu'elle soulève l'océan et produit l'incendie. Cependant, personne ne le voit. C'est donc une création étrange ?» Har répondit « À l'extrémité septentrionale du ciel est assis un géant appelé Resvelg, l'avaleur de cadavres. Il a la forme d'un aigle. Lorsqu'il vole, les vents sortent de dessous ses ailes, comme le dit la strophe suivante. Resvelg est le nom d'un géant qui est assis à l'extrémité du ciel sous la forme d'un aigle. Le battement de ses ailes produit, dit-on, le vent qui souffle sur tous les hommes. » Gangler demanda « Pourquoi l'été est-il chaud et l'hiver froid ?» Har répondit « Un homme instruit ne devrait pas faire cette question à laquelle chacun peut répondre, mais puisque tu es seul assez ignorant pour la produire, je t'apprendrai ce que tout le monde doit savoir. Svazad est le père de l'été. Celui de l'hiver est appelé Vindlon ou Vindsval. Il est fils de Vazad. Ses descendants furent cruels et froids de cœur, l'hiver à leur caractère. » Gangler demanda « Quels sont parmi les As ceux que les hommes doivent adorer ?» Har répondit « Les As divins sont au nombre de 12. Les Asès leur sont égales en sainteté et en puissance. » Tridi ajouta « Odin est le premier et le plus ancien des As. Il règne sur toute chose, et les autres dieux le servent comme des enfants soignent leur père. Sa femme est Frigg. Elle connaît les secrets de l'avenir des hommes et ne les révèle à personne, comme Odin le dit lui-même dans cette strophe où il s'adresse à Locke, l'un des As. Tu es furieux et insensé, Locke. Ne saurais-tu te contenir ? Frigg connaît, je crois, toutes les destinées, mais elle en garde le secret. » On donne à Odin le nom d'Alfader, père de tout. parce qu'il est le Père des dieux, et celui de Valfader, Père des prédestinés, parce que les guerriers qui succombent sur les champs de bataille sont ses élus. Ils ont des places à Valhall et à Vingolf, où ils portent le nom d'Einar Jarls. Odin s'appelle encore Hangagud, le père des pendus, Haptagud, le dieu des dieux, Farmagud, le dieu des fardeaux. Il se donna encore d'autres noms quand il vint chez le roi Geirrod. Je m'appelle Grimmer, Herjan, Hjelmber et Gangrader, Tudor, Udor, Helblind et Lar, Zadr, Svipal, Zangetal, Hertheid, Nikar, Bileig, Balevg, Bölverk, Fjölner, Grimner, Glapsvider, Zidhötter, Zidskeg, Zigfader, Nikad, Tekker, Tridi, Alfader, Atrider, Oske, Omme, Jafnar, Biflinde, Gündler, Harbard, Svidur, Svidrer, Jalk, Kjallar, Vidur, Thor, Iger, Tundr, Vaker, Skilfing, Vafvad, Roptatir, Göter. Gangler dit « Vous donnez beaucoup de noms à Odin. Une instruction fort étendue serait nécessaire, je crois, pour connaître les événements auxquels ils doivent leur origine. » Har répondit « Il faudrait être en effet très savant pour en donner une explication satisfaisante. Mais on peut présumer aussi qu'ils sont le résultat des efforts que les divers peuples de la Terre ont faits pour approprier le nom d'Odin à leur langage, afin que chacun pût le prier et l'invoquer dans son idiome particulier. On peut aussi chercher la signification de plusieurs de ces noms dans les voyages d'Odin, dont les antiques sagas nous ont conservé le souvenir. Tu ne saurais avoir la prétention d'être un savant si tu ignores les exploits remarquables d'Odin. » Gangler demanda « Quels sont les noms des autres As? Que font ces dieux? Ou, pour mieux dire, qu'ont-ils fait de grand ?» Har répondit « Thor est le premier des As après Odin. On l'appelle encore Asa-Thor et Ok-Thor. C'est le plus fort des dieux et des hommes. Il règne dans le royaume de Trudvang. Son palais se nomme Bilskirner. Il contient 540 chambres. C'est le plus vaste édifice élevé par la main des hommes. Il est dit dans le poème de Grimner, 500 chambres et 40 en su se trouvent, je crois, dans Bilskirner. De toutes les maisons dont je connais les toits, celle de mon fils me paraît la plus grande. Thor a deux boucs, Tannjotr et Tanngriser. Il traîne son char, c'est pourquoi cet as est appelé Ok-Thor, c'est-à-dire qui va en voiture. Il possède aussi trois objets précieux, le marteau Mjölnir, connu des Rimthursars et des géants de montagne, car il a brisé bien des têtes parmi eux, puis le ceinturon de la force. Quand Thor le serre autour de ses reins, il double sa vigueur divine. Enfin, des gantelets de fer, dont il ne peut se passer pour tenir le manche de son marteau. Mais il n'est pas un savant capable d'énumérer tous les exploits de Thor. Je pourrais t'en raconter un si grand nombre qu'une journée ne suffirait pas pour te dire tout ce que je sais sur ce sujet.